râler où mon reflet n'inspirait que le dégoût. J'avais comme seule envie de me défaire de tout. Combien de fois je suis allongé en priant de ne pas me réveiller. Avec les années ça s'est arrangé, je n'ai jamais baissé. Tu vis la nuit, subis l'ennui, des heures qui te semblent si longues. Tes insomnies te sortent du lit, quand seul tu refais le monde. Et tu te dis j'aurais que pu ne jamais vivre cette vie. Je m'étais écouté, oui écouté. Je serais passé à côté de cette vie. Si je l'avais fait, il l'avait fait. Parfois tellement triste que tu voulais que tout s'arrête. Pour faire de toutes ces voix dans ma tête. Parfois tellement triste que tu voulais que tout s'arrête. Tout abandonner, pas bord de l'échec. Et parfois tellement triste que tu voulais que tout s'arrête. Pour faire ta tour de voix dans ma tête. Et parfois tellement triste que tu voulais que tout s'arrête. Tout abandonner, pas peur de l'échec. Il n'est vrai que si tu l'avais fait, on ne se serait jamais rencontré. Tu ne te serais jamais marié. Et nous n'aurions connu le phénomène qui nous vient. Nous n'aurions pas fait les 400 coups. Voyager ensemble un peu partout. Ce lien si fort qu'il y a entre nous n'aurait jamais vu le jour. Vois-tu tout ce que t'aurais manqué si t'avais franchi le pas. Nous sommes heureux que t'aies changé d'avis et fait le bon choix. Tu peux te dire j'aurais pu ne jamais.